notre Seigneur. Nous comptons pour le grand privilège que nous avons pour nous rencontrer encore. Nous commençons à passer un bon petit temps ensemble. Et ça fait que nous comptons pour nous connaître, côtoyer ou disposer ou disponible ou chita botable ensemble avec nous pour nous capables de réfléchir. Parce que n'a abordé un sujet qui est important en pile, n'a pas abordé la famille. La famille, c'est le principal instrument que bon Dieu gagne sous terre pour le faire, ça gagne pour le faire. C'est ça que fait, l'important pour nous-mêmes, nous prenons nous pour nous, ouais, qui s'allier. Et dans toutes nos questions à poser à partir de leçon, hein, nous poser en pile question et nous pas si nous rendons compte question ça yo fait nous passer du temps à réfléchir sur bonne bagaille, mais nous perdu une petite notion. Petite notion hein, c'est qui ça Bible a dit dans ça. C'est lui-même qui t'est doué mettre point final à toute discussion. Sa Bible a dit son bagaille, ferme bagaille là. Si Bible a pas dit rien, ferme bagaille là automatiquement. Parce que Jésus vini, il dit je ne dis que ce que mon Père a dit. Je ne fais que ce que mon Père a fait. Donc, quel que soit ça, ou l'autre monde dit, c'est pas papa qui dit, ça pas engagé bon Dieu du tout. Parce que Jérémie dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si Ève te kembe ti notion ça dans tête li, ça bon Dieu dit ya, c'est fini. Si bon Dieu pas dit un bagay, m'pas prêt sous li, nous pas ta privé côté nous yé là. Et texte là hier soir nous li. Yo écrit pour que yo ka servi nous d'exemple pour nous pas reproduire les mêmes erreurs. Gagné une série de petites conceptions qui rentraient en dans l'église à partir du moment où la Bible était fermée. À partir du moment que la Bible a fermé, bon bonne notion qui rentrait en dans l'église là, une notion ça yo sous toute bagaille. Notion ça y est entré dans l'église là sous la famille. Dans le moment que la Bible a fermé, ils ont décidé qui genre famille en pral vivre. Ils ont décidé qui ça au garçon pral faire, qui ça en fille pral faire. Et ils ont collé le pao. Nous même ça nous venons recevoir, c'est ça y est ban nous. Donc si me dit un garçon, tout le monde va dire un garçon mais ça l'a pour le faire. Li la pou pote manger dans caill là, li la pou billet, li la pou li prend soin, li la pou li et c'est lui même qui pou al chercher pou porter dans caill là. Sou pa ka faire ça ou pas garçon, ou pas mériter gain fille, sou pa ka billet, ou pas ka loger, ou pas ka bal sal besoin, ou pas digne pour gain fille. C'est comme ça on définit un garçon. Qui genre on parle définir une fille tout. On parle définir une fille, faut que fille soit capable prendre soin Kayla, faut que fille soit capable prendre soin garçon, faut que soit capable prendre soin Timonio. Donc, yo bay une série de rôles et nous-mêmes, nous juste accepter tout naturellement sans pas ouais qui sa parole là dit. Et c'est pour cette ça que fait pendant la période ça, m'inviter nous quand tout ça nous songe, tout ça nous connaît déjà yo. M'invitez nous pendant période ça. Mettez yo chita sous table là et ouvrez Bible là. Ouvrez sa Bible a dit sous ça. Et maintenant, fait Bible là peser parole yo, peser information yo. Et bay Bible la priorité. Et on va rendre compte que ça bon Dieu dit ya. C'est lik bon pour vous parce que c'est lik créyo et c'est lik konsak bon pour. Dans famille, information que me besoin pour famille hein, c'est dans Bible à me joindre. Alors soya, nous pral continuer sujet nous. Hier soir, nous t'ai commencé à aborder la femme. Qui sa yo famille dans les yeux bon Dieu? Qui rôle yon femme? Qui responsabilité yon femme? Qui mandat, mais gros mot, moi tire tout de ça me dit, moi tire ni rôle ni responsabilité, en kebe mandat. Qui mandat yon femme? En un mot, pour qui raison ou femme sous terre? Pour qui raison bon Dieu créé? Nous te voyons déjà que li bay chaque moun ou bien chaque bagaille yon corps selon sa la pour le fait. Eh bien, soya, nous mandons pour nous ouvrir que nous au Saint-Esprit. Et nous remettre l'audience là. Nous remettre li toute parole qu'a dit yo. Et tout cœur qu'a recevoir parole yo. Que connexion en fait. Et que gloire bon Dieu éclate. Amen. Nous te voyons hier soir que la femme est venue en réponse à l'amour. De même que Dieu est amour, il a créé la race humaine par amour. Le fin créer la race humaine, il formait l'homme. Et maintenant, il créé la femme, mot hébreu assez, construit la femme. Et il construit de façon à ce que l'homme capable partager l'amour avec elle. Mais erreur pour nous pas faire, c'est prendre mot différent pour inférieur. Mais il y a une grosse nuance. Si nous avons fait nuance ça pour moi aujourd'hui, nous avons une bonne bagaille. Garçon différent de fille. Je parle de physiquement. Mais ça ne veut dire que garçon inférieur ou supérieur à fille. Nous dit différent. Nous pas dit inférieur. L'homme est la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7b, cette fois-ci, nous dans la deuxième partie, verset ça. Deuxième partie a dit, la femme est la gloire de l'homme. Mesdames et toutes, mesdames, yo, gardez verset ça dans la Bible. Faut nous essayer de comprendre. L'homme est la gloire de Dieu. Gloire là, nous te dit, c'est manifestation de Dieu. Quel que soit côté yon garçon paraît, les supposer tout, ouais, bon Dieu. C'est ça, ça veut dire. Quel que soit côté yon garçon paraît, yon supposé, ouais, bon Dieu. Il est la gloire de Dieu. Mais regardez verset a dit, la femme est la gloire de l'homme. Ça veut dire qui ça? Même ordre d'idée, hein? Quel que soit côté, yon femme paraît, faut yon mari à elle. Waouh! Bon, vous prenez bagaille là. Quel que soit côté, yon garçon paraît, tout le monde dit, mais bon Dieu. Le texte là dit de même. La femme est la gloire de l'homme. Quel que soit côté, yon madame paraît, c'est pour yon dit, déjà, ouais, qui est-ce qui marie? Ça veut dire, mesdames, ou pas capable de rentrer dans le mariage sans pas connaître le principe mariage. À soi, on va le dénoncer le petit bagaille. On prend ça, on a dit à soi. C'est peut-être bagaille que nous pas contendez ou que nous t'entendez yo mais nous pas prêter attention à yo. Mais à soir nous chita pour nous réfléchir ensemble. Pas rentrer dans mariage sous pas con qui sa mariage là yé. Sa mariage là pral fait. Mariage là pral fait que depuis me paraît au côté c'est mari mio ouais. Parce que l'image moi bail là c'est image marine. Monsieur, la femme est la gloire de l'homme. Je n'ai pas besoin d'un gourmet pour me comprendre qui j'ai un garçon. Je vais regarder madame. Li. Mais je ne parle pas à mesdames. Ou même qui besoin de prendre mari, ou moun l'amel. Je ne parle pas. Gardez qui j'ai madame nan yé. Gardez qui j'ai une fille. J'en ouel là, ou elle prend mari là, ou elle vient même genre tout. Pour qui raison? Parce que la femme est la gloire de l'homme. Donc, si on a envie de prendre mari au monde, bien que pas gen yon nan nou kap tande mla gen sa nan tête li. Mais avant envie de prendre madame au monde ou mari au monde, vous voyez ouais qui j'en moun nan yé. Qui j'en ouais moun nan vive? Est-ce que vous êtes heureuse? Ou est-ce que vous êtes la babie tout le temps? Est-ce que vous êtes ce monde qui vend ses pères du tête li? Est-ce que vous êtes ce monde qui censé faire dépression? Est-ce que vous êtes ce monde qui fâche à monde tout le temps? Ou prend maril, c'est qu'on soit venu tout. Parce que la femme, dis-nous la soeur, m'a un problème avec nous. La femme est l'image, ou du moins, est la gloire de l'homme. De dis-nous hier soir, mesdames, plus belle bagaille qu'une café pour bon Dieu, c'est respecter Marino. C'est agir à Marino avec dignité et honneur. Pour qui raison? Parce que tout honneur qu'on mettait dans nègre là, c'est sous visage qu'on va refléter. Parce que la femme est la gloire de l'homme. La femme, quel que soit côté le paraît, yoé Maria. Nous pas rentrer dans petit détail. Nous pas rentrer dans quelques petits détails à soya et nous songer nous ouais proverbe 31. À soir me pral rentrer dans petit détail avec nous dans proverbe 31. Hein. Hier soir, nous t'ai dit que l'homme, c'est lui-même qui portait semence là, mais semence là pas vive sans la femme parce que la femme Ève, c'est la vie. C'est elle qui donne la vie à la semence. Quand il n'y a pas la présence d'une femme, il n'y a pas de vie. Et nous te rendons compte aussi que la femme, rôle, c'est créer la vie dans la créer la vie dans l'église. Là. Imaginez-nous l'église qui n'a pas de fille là-dedans, pas de vie dans l'église. Là. Imaginez-nous un côté qui n'a pas de la présence d'une femme, ou de vous paraître ou dit, pas de vie dans la zone ça. Dieu l'a voulu ainsi. La femme est là pour donner la vie. Problème là, c'est Satan va rentrer dans le mariage là, parce que premier ça, Satan moyen dans la race humaine, c'est le mariage. Dès que péché à rentrer, pour première action que fait concernant la race humaine, c'est que le conflit a commencé. Problème dans le cas, a commencé. L'homme a dit, c'est pas moi, c'est lui. Et mais sous tout problème, yo. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Sous tout problème. Maintenant, comment nous pral arriver résoudre bagay sa yo. Le nous entre dans conception yo, nous wè que yo vin prend la femme comme yon instrument ces jours-ci. La femme vin tourne yon instrument au point que gen moun ki dit bon, marié parce que m'a besoin moun pou faire manger pour moi. Si c'est son besoin, c'est pour madame ou besoin. Ou besoin à le faire abonnement en restaurant, il faut ou pas de problème encore. Ou pas, c'est pas madame pour faire. La femme n'est pas là pour vous donner à manger. Il y a un monde qui dit bon, je vais me marier parce que j'ai besoin de monde pour laver des trois morceaux de rade pour moi. C'est pas là, c'est pas ça ou besoin. Ou besoin pour acheter une laveuse. C'est pour une femme pour prendre. Il y a un monde qui dit bon, je besoin marier parce que je besoin et vivre une vie sexuelle sans problème. Bon garantie. Dès qu'on finit satisfait sexuellement, on va besoin madame là encore. Parce que moi, dis-donc déjà, sexe dans le mariage représentait 1% seulement. 1%. De vous faire satisfaire ou virer au ronflot, ben moi, madame, non, quand même. Donc, c'est pour madame, on a besoin de ça. On a besoin de contrôler. La femme est là pour quelque chose de plus grand. Et c'est ça pour nous comprendre dans la période ça on a parlé sous mariage. Le mariage est une activité dans le royaume de Dieu qui transportait physiquement ici-bas pour capable faire yon mission. Donc, quand m'entrer dans le mariage, moi nan yon mission divine, spéciale, sous terre. Bon Dieu dit, si deux s'accordent sur la terre, Matthieu 18, si deux s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, il leur sera donné par mon Père Céleste. Galon bagay. Deux s'accordent. Et pas gagner yon monde qui plus proche moi pour accorder avec à tout niveau que madame moi. Donc, quand madame moi accorder la avec moi accorder à, c'est nous qu'on joue musique. C'est l'on fait un son. Ou mettons l'autre ou y a l'ensemble, li bon yon harmonie. Bon, donc, musicien dit, gen yon accord là. Et autour de ça, c'est tel accord. Quand deux s'harmonisent, quand deux s'accordent pour demander une chose, cela sera fait. Donc, dans le plan bon Dieu, chaque fille mêlée à yon garçon, madame li, mari li, fait yon accord. Et chaque mari ak madame en accord mande yon bagay, bagay la fait automatiquement. Mes plans, bon Dieu. Mes programmes, bon Dieu. Deux s'accordent. Maintenant, Jésus pral montrer pouvoir de l'unité. L'unité, c'est une bagaille qui est importante pile aux yeux de Dieu dans le programme. Là. Donc, lorsque madame accordé l'ensemble avec Marie, des exploits à fait dans le royaume de Dieu. La femme gagne une puissance. Nous te voyons hier soir, c'est le mot tchahil. Tchahil qui banon toute définition puissance que femme n'a gagné, la force, la compétence, la richesse, la l'honnêteté, la grandeur. Nous, ouais, c'est un cortège à elle-même seule, son armée d'élite, l'excellence, c'est des soldats. Donc, retirez l'image dans la tête, non, que la femme son petit bagaille qui faible, son petit bagaille qui simple, non, retirez l'image ça dans la tête, non. Mesdames, voulez nous kembe en tête, non, ça, bon Dieu, Jean, bon Dieu, ouais, nous. Quand nous, différents de Maria, mais moi, je retire ça dans la tête, tout garçon, là. Physiquement, monsieur, ou pas plus fort que madame, ou, je vais prendre ça, me dire. Physiquement, ou pas plus fort que madame. Ils ont révélé que, pour vous, puissance, force, que fille déployé pour lui mettre ton petit dehors, le l'a pas couché. Si on prend force ça, on dépose sur un garçon flingué, il mourit. Bon, me dit non bagaille. On va prouver non ça. Le madame moi a pas couché. Ça passé. Le madame moi a pas couché. Bon côté. Le docteur a dit madame nan pousse. M'a dit non bagay. M'te campé exactement bon côté madame moi. Docteur a dit il pousse. Il commençait pousser, m'a dit non ça le fait. Li pap li mette mel sou mwen. M'a dit non ça soir ya. C'est pas lui seulement pousser, moi me pousser tout. On me pas retirer mel là même, même d'où ça moi tout. Me pousser tout. Donc là de puissance ça qui est côté bassin ya, force qui pour exprimer là. Sou mette force ça sou cœur ou nèg li tuel. Maintenant, si bon monde qui vient, on besoin lever un table, un gros tableau. On besoin monde qui pour aider. Pour monde na aider, faut un li même force avec ou du moins li gen plus force que moi. Si moun nan pi faible bassin, li pa ka aider soulever table. Donc quand Dieu dit je vais créer une aide semblable à toi, aide ça c'est ou bien le même bagage avec ou bien le plus fort passer pour qu'aider pour tes charges. Donc vous avez idée que la femme plus faible passer nous. Émotionnellement et nous va louer ça puis devant, émotionnellement la femme pas plus faible que garçon. On va tuer nos pirates. On va finir une net, non? On va finir avec nos pirates. Spirituellement, la femme est plus solide que l'homme. Ah, on connaît un peu de monde qui fâché. Bien oui. Nous fâchés pour qu'ils ont. Parce que, moi, dis nous, pendant un certain temps, ils ont fermé la Bible là. Donc ça fait, ils ont retiré tout ça qui concernait la femme. Force-les spirituellement. Ça est capable de faire spirituellement. Et on peut dire, bon, la femme n'a pas qu'à faire ceci, la femme n'a pas qu'à faire cela. Et ça vient permettre que, au fil des années, nous avons conception que, spirituellement, la femme n'a pas voulu rien. Je vais vous montrer un bagage. Qui l'a tout mariage crasé? Qui l'a, dans la statistique, qui l'a tout bagage font chute frou? C'est quand fille yo bay vague. Quand la femme bay vague. À partir de ce moment, qu'est-ce qui se passe? Toute bagaille descend. Côté moral là, parce que c'est fille qui kembe moral toujours dans famille yo. Lorsque garçon a fait n'importe qui bagaille, mais fille a toujours kembe moral là. Lorsque fille a lagué ça, et c'est youn piège Satan, pas oublier moi dit non, la femme puissance que rien a son puissance d'influence. Et c'est youn raison qui fait yo attaquer la femme comme ça. Yo attaquer elle pour montrer que le pas rien, pour montrer que le faible, pour montrer que li pas camper sous rien. C'est garçon, maintenant qu'est-ce qui se passe? La femme prend un piège là. Dans qui piège je prends? Yo prend un piège, je viens faire autant que garçon. C'est là au perdu. Mesdames, me dit non ça. Ou pas garçon. Parce que bon Dieu pas créé au garçon. Et c'est pas né descendre garçon qui forme même une plus fille, non. C'est pas rabaisser garçon qui montre que ou même une fille ou forte, non, au contraire. Pourquoi? Parce que la femme est la gloire de l'homme. Plus ou rabaisser yon garçon, c'est plus ou rabaisser tête tout. Parce que la femme est la gloire de l'homme. On va aller et yon ti bagay ensemble là, soya. On va aller dans juge. Donc en histoire et Déborah, on aller dans juge au moment. Juge qui parlait de Déborah, on allait dans Juge chapitre 5. Dans Juge chapitre 5, il montrait que Déborah était juge en Israël. Juge là, c'est qui ça? C'est mon qui a occupé fonction publique. Donc, chaque jour, Déborah sortit, l'allait en bas pied bois, et là, tout Israël a passé devant, et l'a jugé tout Israël. C'est comme ça qu'a fait chaque jour. Et Déborah est aussi prophétesse. Déborah a fait travail en Israël. Et aussi, l'a parlé pour Dieu. Mais le texte l'a dit, moi, dans le cantique de Déborah, tout Israël a descendu, les choses avinent de plus en plus graves. Texte l'a dit, Rebecca dit, jusqu'à ce que moi, Rebecca, je me suis levé comme une mère en Israël. Ah, là, elle a changé. Jusqu'à ce que je me suis levé, pas comme juge, pas comme prophétesse, mais comme une mère en Israël. Le mal nan mot hébreu qui traduit mère là. Moi, le mot hébreu qui traduit mère là signifie carrefour, point de départ ou point de confusion. Mesdames, mes bagailles là. Vous êtes une mère en Israël. Mère là, c'est le point de départ d'une action. Un bagaille qui doit changer dans la famille. Tout autant, nous chita, nous quitter sa pralé, nous quitter sa pralé, nous quitter sa pralé, Déborah dit, jusqu'à ce que moi, Déborah, je me suis levé, pas comme une juge, pas comme une prophétesse, mais comme une mère en Israël. La mère, Adam dit, on va l'appeler mère, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Mesdames, position en caille là, son carrefour, son point qu'il a pour poser une question. Qui direction caille là pral prend? M'a pralé lire avec nous un texte dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 5 verset 14. 1 Timothée 5 14. 1 Timothée 5, 14, 1 Timothée, chapitre 5, verset 14, ça dit quoi? Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, afin de ne pas donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Regardez verset 1. Je veux qu'elles se marient, qu'elles aient des enfants et qu'elles dirigent leur maison. Elles dirigent leur maison. Et là, moi, diriger, m'a cherché dans le grec là. Ça lié. Oikodespoteo, qui voulait dire être maître de la maison. Être la tête de la maison. Ah, mon problème. Toujours, je t'ai dit que l'homme est la tête. Oui, l'homme est la tête de la femme. La tête de l'Ist. Lui qui était là en premier. Mais qui dirige la maison, c'est la femme. Un problème. Waouh. Un problème. Qui dirige la maison ici? Je veux que les femmes dirigent leur maison afin de ne pas donner à Satan l'occasion de médire. Ne donnez pas accès au diable. Eh bien, mais écoutez, diriger, moi qui l'a, c'est moi qui vous l'ai dit, mesdames, vous êtes là pour regarder, pour observer. Vous êtes là comme sentinelle de la maison. Moun qui veille Kaela. Pas oublier, Maria, c'est et fondation. Wa. Mais Kaela, Chamio, Mebio Gandan, c'est où? Donc, je veux qu'elle dirige leur maison. Donc, retirez l'idée dans tête tout que et la femme pas rien. Retirez l'idée ça dans tête tout parce que le texte l'a dit, je veux qu'elle dirige leur maison. Alors nous rentrons qu'on y a, nous remarquons qu'on y a chaque sample dit de la femme, garçon obligé là tout. On va le montrer non pour qui raison. On a le somme 128 avem. Oh, on va le montrer non qui ça y a retiré pour y a retiré dans la famille, mais ça va être tout problème là. Pendant qu'ils ferment la Bible, ils ferment une série de bagailles. Assurons-nous pas de qui ça a fermé pour nous là. Psaume 128 dit: heureux quiconque craint l'Éternel. Monsieur avait nommé la Kounia, oui, parce que l'âme m'en éden. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Ça veut dire marcher dans la présence de Dieu. Nous sommes en éden. C'est le premier travail. Tout garçon, c'est marcher dans la présence de Dieu. Verset 2. Tu jouis alors du travail de tes mains. Ah ah! Tu es heureux, tu prospères. L'homme est conçu pour vivre dans la prospérité. Conçu pour vivre dans la joie, dans le bonheur, dans l'abondance. Tu crains l'Éternel. Tu gardes ses commandements. Tu marches dans ses voies. Tu es heureux, tu prospères. Mais premier point important. Et c'est ça qu'ils ont retiré pour nous. Ils ont retiré, frères et sœurs, attendez, ça me parle de la Kounia. Monsieur, bon avec nous. Ils ont retiré la source des hommes. Et ils ont fait que garçon, lui-même, vient tourner une source sans source. Bon, vous prenez samedi. Moi, je suis une bagaille là qui m'a dit pour me gagner plus de jours devant. Hein? Maintenant, vous pouvez avancer plus vite. Regardez. Mon père, là, nous faisons tout parler de la mer. La mer, c'est le carrefour, un point de départ. Maintenant, mon père, là, bon Dieu voulait gagner une mer, un carrefour en dedans, et gagner un père. Mon père, là, c'est le mot Ab, et en araméen, il a ajouté Abba, qui veut dire papi. Maintenant, c'est quand on dit le père, on dit Abba. La Bible dit nous, le Saint-Esprit permet de nous aider papa Abba. Mon Abba, lui signifie fontaine. Lui signifie source. Lui signifie racine. C'est ça que moi dit que l'homme c'est racine, c'est fondation. Et tout ça, bon Dieu, y est. Lui transmettre lui pour garçon en vine ça tout. C'est pour ça qu'il dit lui, il est la gloire de Dieu. Bon Dieu, c'est papa, c'est le père, notre père qui est aux cieux. Et lui permettre que garçon y aurait le tout, papa. Au point que si j'ai besoin qu'on ait source une petite, m'a fait un test paternité. Parce que papa, c'est source là. Maintenant, qui côté papa, garçon, hein, doit joindre sous pâle. Sous papa, c'est yon papa tout. Quand nous retirer papa, tout papa, nous voulons que tout papa yo, c'est sous pour poter manger dans la caille là, poter l'argent dans la caille là, poter sortir pour poter, mais nous retirer sous papa, qui c'est Dieu. Nous retirer source là qui c'est Dieu et qu'on y a nous fait papa vin tourner yon source sans source qui finalement a tari et l'elle tari nous allons pour qui ça pas le passer là et là dans Somme 128 là nous avons tout problème nous dans la société aujourd'hui là voyez jeune pour nous on nous aller pour nous tu jouis alors du travail de tes mains tu es heureux tu prospères. Là, cette prospérité est connectée à la première partie verset A, que ou en la présence de Dieu. Maintenant, ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Ah! Mais bagaille là. L'homme est dans la gloire. L'homme est dans la prospérité, est dans l'abondance, dans la joie, shalom, la paix, rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est brisé. Voilà l'atmosphère dans laquelle l'homme évolue. Et sa femme, sa femme est comme une vigne féconde où ça? À l'intérieur de sa maison. C'est pas dehors. C'est pas l'exoti pour aller chercher. Mais elle est une vigne féconde parce qu'elle est là pour diriger la maison. Elle est une vigne féconde où ça? À l'intérieur de sa maison. Mais côté, il a coupé sous nous. Il a coupé provision. L'homme doit trouver sa source en Dieu. L'apôtre Pierre me dit, déchargez-vous. 1 Pierre 5, 7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Lui-même. Vous coupez verset ça là maintenant. Comment nous faisons nous stresser, puisque tout stress sous bon Dieu? Comment nous faisons nous gagner souci, puisque tout souci c'est sous bon Dieu? Donc si nous gagnons stress, c'est parce que nous gagnons stress là. Si nous gagnons souci, c'est parce que nous gagnons souci là. Or, nous pas fait pour nous vivre à souci, nous pas fait pour nous vivre à stress. Texte l'a dit, déchargez-vous sur qui? Sur lui. De tous vos soucis, parce que lui-même prend soin de vous. Le malin en Bible, là, moins que Abraham fait bon Dieu confiance, et sous Abraham, c'est bon Dieu. Au point que, rappelez-nous, au point que le Abraham fin délivre royaume dit Abraham, ou mette pas Abraham, dit non. M'pap prend ou sen la menou, pour nous pas dire le que nous te fait Abraham riche. Mais texte après dit Abraham très riche, et Eliezer pour le raconter comment Abraham fait riche, et texte après dit l'Éternel rend ni riche. Parce que principe la parole dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alors, mesdames, faut nous bagaille là. Dieu, c'est la source de la maison, pas votre mari. Messieurs, Dieu est la source de la maison, pas votre femme. Qui sa société a fait? Société a fait pour nous essayer résoudre tout problème nous yo sans bon Dieu. Sorti, garçon cherché, sorti, nous cherchons, nous oublier bon Dieu. Or, la source pour notre prospérité, c'est Dieu. Et lorsque bon Dieu, parce que bon Dieu lui-même est toujours fait à faire pâle, lorsque nous mettons nous dans l'île, problème non, faut que nous dans l'île chercher premièrement le royaume, faut chercher côté lié. Parce que bon Dieu pas voué tout bagaille tout côté. Bon, vous dit samedi, bon Dieu pas voué tout bagaille tout côté. Bon Dieu que on l'île à suivre. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre source, mes frères, c'est Dieu. Alors, mes bagailles là. Si source, moi, c'est mon Dieu, sous ça, pas j'aime tari. Et dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Sous cela, a coulé. Ma femme est une vigne féconde. Vigne là, c'est image en Israël qui traduit la prospérité. Côté vigne là, son champ qui gagne raisin, qui a bail raisin, il a fait vin, donc à vendre gain. Donc vigne là, l'homme monde gagne vigne, c'est à cause de gagner une richesse. Ma femme est une vigne féconde à l'intérieur de la maison. Nous pouvons comprendre ce que ça veut dire. On a la sauve, on a la Proverbe 31 pour nous comprendre. Voilà ce qui se passe. Moi, songe, je me dis non. Le mal non buffet, nous pas gourmet. Pour qui raison? Parce que toujours gagne dans buffet. Ya. Toujours gagne manger. Pas un monde qui a gourmet pour manger. Voilà l'intention de Dieu. Pour que. Ah, pas oublier Somme 112, hein. Voyager nous directement pour moi sur Somme 112. Hein? Voyager nous parler de ça déjà, mais voyager nous un petit moment sur Somme 112. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ça commence toujours là. Qui craint l'Éternel. Qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Ça veut dire qui reste en Éden, dans la présence constante de Dieu. Sa descendance sera vaillante dans le pays. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Alors, une telle maison, ma femme est dans cette maison où il y a déjà bien-être et richesse. Ma femme est une vigne féconde à l'intérieur de cette maison. Alors, mais ça ne peut pas passer, Kounia. Proverbe 31. Ah, le cœur de son mari a confiance en elle. Ou elle dit, moi tourner dans shalom dans la, dans confiance là. Et le bénéfice ne manquera pas. Rien ne manque dans cette maison. Rien n'est cassé. Rien n'est brisé. Rien ne manque. La confiance est là. Et, vous manquez, avec cette notion de confiance, Marie a pas pral nan ralé petit crayon pour le faire petit calcul avec lui. Non. Vous manquez, le cœur de son mari a confiance en elle parce qu'elle a elle-même le rôle de diriger cette maison. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ça, c'est place bon Dieu à, que fille a occupé à la. Tous les jours de sa vie. Maintenant, elle se procure de la laine et du lait. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle est là pour gérer la maison. Kaila ponti kay piti. Elle donne des instructions à ses servantes. Elle est là pour gérer, gestionnaire de la maison. Hein? Elle réfléchit à un champ et elle l'acquiert. C'est pas où ti madame qui a 30 kilos pour porter deux gouttes de balle pour la chercher. Non. Elle pense à un champ, elle l'acquiert. Waouh. Pas oublier, verset 11 l'an dit, le cœur de son mari a confiance en elle. Et elle sait que son mari est Amon. Amon veut dire quoi? C'est la certification. Donc, quand on me dit, elle pense à un champ, il n'y a pas agi sans mari, il n'y a pas connaît, il n'y a pas prendre des décisions sans mari là. Parce que le cœur de son mari a confiance en elle. Vous voyez? Donc, ils sont d'un commun accord ici. Elle pense à un champ, elle l'achète. Elle l'acquiert. Elle donne la nourriture. Elle réfléchit à un champ, elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle est elle-même une vigne, mais elle investit encore. Voyez l'abondance. Voyez l'abondance. Ou t'es bon 10, nous fait 10 encore. Vous pensez, bon Dieu, son bon Dieu qui peigne, qui prend là. Non. Dieu va vous donner et Dieu veut à ce que ça le bon là, vous produit encore. Soyez fégon. Fégon, on veut dire, soyez productif. Bon 10, fait 10 encore. Bon 5, fait 5 encore. Soyez productif. Elle plante une vigne. Hein? Elle a fermé ses bras. Elle met à ses reins la force comme ceinture. Et bien, Abdimli faible. Elle met à ses reins la force comme ceinture. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle sent qu'elle, ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas dans la nuit. Elle met la main à la quenouille. Et ses doigts comme tienne le fuseau, m'a laissé chercher petite parole ça aujourd'hui là que nous là qui ça que nous là en fait que nous là c'est un petit instrument et que utiliser pour filer pour filer toile. Alors et fuseau a lui-même c'est yo tout deux c'est pour faire même bagaille là mais le regarde dans sens puis devant puis profond mon ouais que nous là signifie succès réussir. Cette femme, son femme qui l'a pour réussir, pour le succès. Et fuseau lui signifie circuit, lui signifie un district. Donc, c'est ça que je vais faire pour comprendre, bagaille. Mesdames, je vais dire un bagaille. Vous savez, nous, on a fait naturellement. C'est parce que le nom est dans le sens profond, c'est exactement ça qu'on a fait, c'est exactement ça pour nous faire. Sauf problème, non, c'est parce que non seulement on a fait, mais on est obligé qu'on y a, puisque on retire sous cela, on est obligé qu'on y a à sortir, à chercher sous cela. Donc là ça nous vient, c'est là ça nous vient exaspérer. C'est là ça nous vient pas capable encore. Pour quelle raison? Parce que votre travail était de gérer la maison. Gérer la maison, puis nous on va dire non, gérer la maison pas me dire tu dans la caille là. Ah ah! Maintenant, remarquez, elle est maître de tout ce qui est succès et de tout ce qui est routine. C'est dans ce sens ça il dit garçon pas à faire deux bagailles ensemble, mais fille est capable. Pourquoi? Elle met la main à la quenouille et son doigt est sur le fuseau. La quenouille, c'est le succès. Fuseau, c'est circuit. C'est routine. Chaque jour, il faut manger à cuite là. Chaque jour, hein? Même routine. Depuis, même routine. Mais, les gens le font avec joie. Pour qui ça? Elle met sa main sur ça. Et elle est aussi dans le succès. Lille l'école, où elle a fait manger à la caille là. La prend soin de Timounio, mais elle a réussi l'école là tout. Elle est le succès et aussi elle est dans le district. Elle est dans la routine. Ah, la femme, mais la femme de Proverbe 31, ça. Maintenant, on va aller. Et verset 20, elle ouvre ses mains pour le malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Ah! Mais dans la Bible, il y a un verset 23 à tout. Verset 23 dit, quelle est pour vous? Toute sa madame n'en fait là. Toute ça le fait en haut là. Nous avons dit tout à l'heure, hein? La femme est la gloire de l'homme. Remarquez, toute sa madame n'en fait là. Ça verset 23 dit, son mari est considéré aux portes. Oui, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré aux portes. Mot considéré, hein? Son mot qui veut dire connu. Lui veut dire puissant, grandeur, majesté, comme des rois, comme des dieux. Cette femme, vous voyez, toute action l'a fait, hein? Toute action l'a fait, yo fait quoi? Yo porté carrément sous garçon. Hein? Wow! Le monsieur a campé dans la porte, c'est-à-dire, côté le campé, hein, comme sénateur ou comme député ou whatever ça lié, hein? Chaque monde, depuis autant de passe-temps, c'est parler de madame, non? Tout le monde dit, ah oui, c'est lui le mari de cette femme. Bon, me dit non bagaille. Bon, dis non bagay. Nous pas qu'on oué. Nous pas qu'on oué. Bon, nèg là, qui papa en timon. Li pas qu'on rien dans sa timon n'a fait. Li pas qu'on ni level, ni retire li. Li pas l'école li. Li pas rien li. Mais madame nan, allez pour timon nan. Et puis, le timon arrive dans la graduation. Premier monde qui met de veste là, qui est? Monsieur ya. Et il a le capé sur timon nan. Oui, c'est mon fils. C'est mon garçon. C'est ma fille. Li prend gloire là. Ah, nous comprenons bagaille la cognée, ya. Justement, son mari est considéré aux portes. Mesdames, la femme est la gloire de l'homme. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Pas oublier, bouche la construit. Donc, on ne peut pas parler n'importe qui parole, mesdames. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et un enseignement bienveillant est sur sa langue. Elle surveille la marche de sa maison. 1 Timothée 5, verset 14. Elle surveille la marche de sa maison. Elle dirige sa maison. Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari, messieurs, son mari se lève et lui donne des louanges. Verset 31 de l'Élire, soit « Donnez-lui du fruit de son travail. Donnez-lui du fruit de son travail. Et qu'elle et qu'au porte ses œuvres la loue. » Voilà la femme, mesdames, messieurs. Je ne vais pas devant moi une petite image de femme son tête marée, ou femme son bagage pour être cachée dans le coin. Je n'ai pas ça ici dans la Bible. Image que nous prenons, nous cachons là, c'est image et culture grecque et romaine qui fait toute femme esclave, toute femme cachée dans le coin. C'est seul garçon qui a fait New York. Mais ce n'est pas l'image que j'ai dans la Bible. Ce n'est pas l'image que Dieu a d'une femme de Tchahil. Alors le problème, c'est quoi? Nous laisser le monde définir nous. Nous laisser le monde. Et qu'est-ce que c'est que le monde? Le monde réfléchit contrairement à Jean bon Dieu réfléchit. Depuis l'Éden, Dieu dit, tu ne mangeras pas. Satan t'arrête, lui dit, mangez. Là, moi, gagne deux routes depuis lors. Et qui principal travail, Satan? C'est justement retirer tout ça, bon Dieu dit. Retirer bon Dieu dans l'île. Retirer bon Dieu dans le pinceau. Et qu'est-ce que c'est que Babylone? Là, nous venons dans Babylone. Pour nous comprendre le mot Babylone, généralement, il est plus facile pour nous dire, bon, Babylone, c'est telle l'église. Ah oui, c'est beaucoup plus facile pour nous déclarer Babylone dans son religion. Mais il pas suffit. C'est pas seulement ça que Babylone. Qui ça Babylone? Pour nous comprendre Babylone, il faut nous tourner dans Genèse. Qui dit, toute la terre parlait la même langue. Toute la terre était de commun accord. Et à partir de ce moment, ils ont décidé pour y arriver dans le ciel sans bon Dieu. Ils ont décidé de faire le contraire de ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, la terre sera habitée. Ils ont dit, nous ne pouvons pas aller de l'autre côté. C'est là pour nous arrêter. Tout le monde a pris ensemble. Nous faisons tout. Si bon Dieu commande pas le faire des luges encore, nous n'avons pas monté dans le ciel là pour ne pas mourir à des luges. Mais nous avons là. Nous ne pouvons pas disperser. C'est contrairement à ce que Dieu dit. Aller dans le ciel, réussir sans Dieu. C'est exactement ça Babylone n'a pas le fait pour nous. Maintenant, quand Dieu descend pour voir, et texte la dit, toute imagination, yo, toute arrière-pensée, yo, c'est le mal. Donc ça veut dire, quel que soit Jean pour bon Dieu pral, prend yo, ça qu'il a dans yo seulement, c'est le mal. Et Dieu dit, je vais détruire cette race. Et comment mon Dieu peut le faire pour lui bloquer l'intention, il fait tout ça, c'est couper l'unité, couper langage. Moa, jugement prononcé, Babel, ça veut dire confusion. Et c'est comme si mon Dieu mettait un capuchon sous tête tout système qui voulait monter sans lui. Donc, vous voyez le système économique là. Il monte, il monte, il monte, il monte, il n'a pas besoin de bon Dieu. Il monte, il monte, il monte, il monte. Quoi, ils vont côté, parfois ils ne font pas encore. Les gens qui ont gagné l'argent, perdu l'argent, ils ont tué tête parce qu'ils ont atteint le capuchon. Hein. Système de santé. Bon Dieu dit, vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. Nous disons, nous pas besoin de malades comme ça, c'est l'hôpital n'a pas fait. Nous avons un bon système de santé. Nous avons tout matériel de santé. Oui, nous avons un système de santé. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Pour l'exploser. Nous avons un système d'éducation, même bagaille. Donc, tout système socialiste, nous relayons, tout système qui voulait monter sans bon Dieu, c'est Babylone. Li gon capuchon sous tête li. Alors c'est dans ce sens ça tout mariage la rentré dans même flot ça. Nous pas besoin bon Dieu. Garçon, c'est ou pour sortir, c'est ou qui sort, c'est ou même qui pour bail. Donc qu'on y a ça qui passe. Yo vinn contrôler garçon yo. Parce que sous cela pas bon Dieu. Mais dans sous cela c'est petit travail là, sous cela c'est petit job là. Donc qu'on y a nous pas gérer ça parce que si on pas gérer job là, mesdames et prévé contre yo, alors nous pas gérer ça. Maintenant qu'on y a nous na compétition, yo na clot pour chercher un petit job alors que nous pour nous ça puis devant. Bon Dieu bail nous chaque travail nous en dans nous. Non, que nous, le data, là, bon Dieu, bah, nous, pas qu'aucun autre monde qui a fait ça, nous, nous, qui a fait, ya. Problème, non, nous, pas qu'on elle, nous, pas chercher qu'on elle, nous, pas développer, les, pas faire, lui. Et puis, nous, on a perdu temps, nous, dans fait petit job. Ça fait 25 ans, on a fait même petit job, là. Et, les pas capable de coller les deux bouts, finalement. Avec même petit job, là, nous, finons, on a dit, tout ça me fait me dire, ya. Yo, prends qu'elle, là, même. Madame, moi, qui t'aime. Donc, on a dépression, prend moi. Et c'est exactement ça. Alors mon entrée on bagaille nan canvas ouya. L'homme et la femme sont créés pour vivre dans l'unité, dans la prospérité. Nous songeons un Timothée en nous courir lire Timothée là hein, avant nous finir à soya. Oh l'heure est passée sous moi. On a un Timothée. Tellement gen bagay pour me dire nous à là bon on finit 1 Timothée chapitre 6 1 Timothée chapitre 6 l'apôtre Paul révélait nous quelque chose ici verset 17 je lis recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Bon Dieu, le bail, il bail, la coupe déborde. La coupe déborde. Quand il donne en abondance. Pourquoi? Pour que nous en jouissions. Bon Dieu, pas juste bah, nous pour nous juste payer petit mortgage là. Nous juste payer petit caille là. Nous juste acheter petit manger maintenant frigidaire là. Dans mi-temps, moi, bah, y a encore, on y en a prédit jusqu'à ce que l'autre paye l'arrivée. Non. Il donne en abondance pour que nous en jouissions. Alors, je vais m'arrêter là, soyez, parce que moi, il a allé sous moi. Alors, frères et sœurs, écoutez bien. Il faut que nous retournions dans le principe Eden. Ma provision vient de Dieu. Que moi, avocat, sous moi, ce n'est pas Dieu qui m'a fait, c'est bon Dieu. Que me cordonnier. Sous moi, c'est pas ça ma fait, mais c'est bon Dieu. Que pasteur, c'est pas ça ma fait, mais c'est Dieu. Que médecin, que moi, cosmétologie, que moi, dans sport, que moi, dans éducation, que moi, dans communication, quel que soit dans le domaine, moi, je connais que ma source est en Dieu. Et Dieu parle bon onction pour, c'est avocat, je suis avocat qui a fait un travail pour bon Dieu. Le royaume de Dieu. Chaque fois qu'on a parlé de royaume bon Dieu, nous pensons que le bon Dieu a dit, il faut tout le monde pasteur. Ce n'est pas ça du tout. Bon Dieu est pasteur. Il y a un avocat. Il y a un mécanicien. Il y a un coiffeur. Il y a un tailleur. Il y a un couturier. Il y a tout. Dans le royaume de Dieu, il y a tout ça. Et chaque fois qu'on a dit, c'est bon Dieu qui a don ça, qui a talent ça. Mais donc ça le voulait. Il voulait pour développer talent ça. Et chaque fois qu'on développe talent ça, on vient tourner. Un ambassadeur dans le niveau ça, mais sous pas de travail, ça va faire sous de Dieu. Ah. Et dans la maison, il y a bien-être et richesse. Ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de la maison. Conseil de petit conflit nous parle. Automatiquement, tout petit conflit ça va aller. Parce que majorité ça que fait nous gagne chirépite dans caille là, c'est juste coller les deux bouillots. Donc, si coller les deux bouillots, c'est là qu'il y a toute source problème là. Or la femme est là justement, elle a la main sur la quenouille et aussi sur le fuseau. Toute petite routine ça yo, y a pas même besoin de venir sous tapis parce que y a traité tout déjà. quand nous comprenons qui nous sommes, nous qu'un droit qu'on a pour nous révolter, ça veut dire revendiquer droit nous en tant que fils de Dieu, ambassadeur du royaume de Dieu. Et à partir de ce moment, nous allons vivre, comme Dieu le veut, une famille heureuse et prospère. Que le Seigneur vous bénisse.